Le rapport de police indique qu'elle s'est couchée vers les minuit moins dix, toute seule devant la télé. Le son était coupé, elle écoutait un disque en même temps. Les voisins se sont plaints du bruit, comme tous les soirs. Ils n'aiment pas les voisins, les pianos, les guitares. Le Walkman, c'est pas fait pour les chiens. Fatiguée d'être seule, elle a fait ce qu'ils ont dit. Elle a fermé sa gueule et s'est remise au lit. Les lumières allumées pour ne pas s'éveiller dans le noir. Elle a cherché quelqu'un pour la prendre dans ses bras. Mais les hommes et l'amour sont des rêves qu'elle n'a pas. Elle s'est sentie perdue, elle s'est sentie couler. Elle a vu défiler tous les maris de sa mère à la porte vitrée, cogner leur chevalière. Elle a poussé un cri, elle a revu son père, un vieil homme tout petit, étendu sur son lit. Puis elle a manqué d'air et tout a basculé. Elle s'est sentie perdue, oh, elle s'est sentie couler. Le rapport de police indique qu'elle s'est couchée vers les minuit moins dix, toute seule devant la télé. Le son était coupé, elle écoutait un disque en même temps. Les voisins se sont plaints du bruit, comme tous les soirs.